dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, on est rendu au chapitre 5. Matthieu 5. La porte est barrée. Daniel, la porte est barrée. Dans Matthieu 5, on va commencer à regarder ce qui est normal de faire pour un roi qui prend possession d'un royaume. Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles internationales. Vous savez comme moi que Fidel Castro s'est retiré de la vie politique en partie. Mais quelle sorte de régime politique qu'il y a là-bas à Cuba? C'est communiste, hein? Je pense que c'est un communiste qui était là. À cause que c'est un système communiste, qu'est-ce qu'ils ont fait pour remplacer la personne? Fidel Castro, as-tu fait des élections? Non. Est-ce qu'ils ont demandé l'avis à la population? Non plus. Il a nommé son frère. Il a mis à son successeur, il a nommé Raúl Castro. Et si vous avez suivi un petit peu les nouvelles, Raúl Castro s'est présenté devant le peuple et a donné sa façon de voir les choses et comment maintenant le pays va aller, dans quelle direction il va prendre. Étant le nouveau leader, le nouveau chef politique, dans l'ombre de son frère qui va probablement l'aider encore un peu, mais il a fait ce qui est normal pour un nouveau chef politique. On va s'approcher de nous, on est au Québec. Vous avez vu Mme Pauline Marois, qui est devenue le nouveau chef du Parti québécois. Qu'est-ce qu'elle a fait? Aussitôt qu'elle est entrée en place, elle a commencé à parler et à changer des choses. Elle a s'adressé à ses membres, elle s'est adressée au peuple québécois, puis elle lui a dit, voici ce que je vais faire, moi, si je suis en place, si je suis élu, je vais changer des choses. C'est normal aussi. C'est normal aussi qu'elle fasse cela. Si vous avez écouté le film L'Invincible, c'est un bonhomme qui travaille dans un bar, qui devient joueur de football. Et là, il y a un nouveau coach avec l'équipe de football. Et étant nouveau coach, il se met devant toute son équipe, il dit « Voici comment je vais faire les choses à l'avenir. » Et là, il donne les nouvelles règles qui vont gérer le club de football. Ce matin, nous allons voir Jésus qui va annoncer en tant que roi du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Il va parler puis il va dire, voici comment ça va se passer maintenant dans le nouveau royaume des cieux. Vous avez des règles qui gèrent le monde présentement, vous avez votre façon de vivre, mais dans le royaume des cieux, voici comment les choses vont se faire. Voici ce que moi je m'attends des sujets qui vont être dans mon royaume. C'est normal. Lisez l'Ancien Testament, regardez à chaque fois qu'ils mettaient des rois en place, des nouveaux rois, le nouveau roi se levait et donnait ce qu'il avait à faire. On appelait ça l'édit du roi. Et ce que Jésus va faire ce matin, il va dans le chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, on va voir les trois chapitres un matin. Mais on appelle ça, comment c'est appelé ces trois chapitres-là dans la Bible d'habitude? On appelle ça là. Les béatitudes, ou on appelle ça communément le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Jésus va se mettre au pied de la mer de Galilée, ou en grande partie, puis il va s'adresser au peuple d'Israël, va dire, dans le royaume des cieux, voici comment les choses vont se passer maintenant. Je me souviens, quand j'étais en Israël, je me suis assis sur la montagne des béatitudes, il l'appelle dans la montagne des béatitudes, je me suis assis là, puis j'ai lu le sermon sur la montagne. Ça donne drôle d'impression. Je pouvais me dire, il y a quelques millénaires, Jésus était en bas de la montagne, parce qu'il n'était pas en haut, il était en bas de la montagne, il s'est adressé aux gens qui étaient assis sur la montagne. J'essayais de m'imaginer, j'ai de l'imagination un peu, en fermant mes yeux, d'entendre Jésus parler. Vous voyez que ça devait être impressionnant. Il s'est présenté comme le nouveau roi du royaume. Il dit, voici comment ça va se passer maintenant. Dans ce nouveau royaume que je vais établir. Parce que je vous l'ai dit, c'était le royaume des cieux. Pas le ciel. Pas le ciel. Le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Dieu va régner sur un peuple. C'est ça qu'on appelle un royaume. Royaume, c'est il y a un roi puis il y a un peuple. C'est un royaume. On ne parle pas du ciel ici, là. On parle du royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est que l'être humain ou les êtres humains veulent que Dieu règne sur eux. Ce qu'on va voir dans le chapitre 6, ça va dire « Cherchez d'abord le royaume des cieux. » Il n'est pas en train de dire « Cherchez le ciel. » Il est en train de chercher à ce que Dieu règne dans votre vie, que Dieu vous dise quoi faire dans la vie, ça va mieux aller dans votre vie. Mais il dit « Cherchez pas d'autre chose que le royaume des cieux. » Nous, souvent, on a compris « Cherchez le ciel en premier, puis Dieu va vous le donner. » Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit « Cherchez que moi, je règne dans votre vie. » Les gens ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas entendre ça. On veut entendre « Je vais me tourner vers Dieu, il va me donner ce que je veux. Il va faire ce que je veux. Je vais lui demander qu'il fasse beau. Je vais lui demander que la neige fonde sur le toit, pas que j'aie besoin de pelleter. » Vous riez de la gueule. Qui a pelleté cette semaine? Personne, vous êtes correct. Moi non plus, je ne vais pas pelleter, je vais péter les gars. Hein, des fois, on s'approche de Dieu. En tout cas, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Des non-croyants, des fois aussi des croyants. On s'approche de Dieu parce qu'on veut que Dieu fasse des choses pour nous. Qu'il fasse des choses pour nous. Mais on va voir ce matin que c'est un petit peu différent. Vous avez peut-être entendu des sermons sur les béatitudes ou sur les sermons sur la montagne. Peut-être que vous avez entendu des pasteurs vous prêcher avant sur ce sujet-là. Il y a différentes façons de voir les trois chapitres. Je vais vous donner la mienne, bien entendu. Beaucoup de pasteurs vont, ou d'enseignants vont enseigner à partir du chapitre 5, 6 et 7, puis vont dire aux croyants qu'est-ce qu'ils doivent faire en tant que chrétiens. Comment ils devaient vivre leur vie chrétienne? Moi, je l'ai pris d'une autre façon. Ça ne vous surprend pas, ceux qui me connaissent. Je l'ai pris d'une autre façon. Moi, je crois que Jésus est en train de dire, hein, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, voici ce que vous devez faire. Il n'est pas en train de dire, voici ce que vous devez faire pour entrer dans le royaume des cieux, mais il est en train de dire, voici ce que vous devez faire si vous voulez entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il va dire un peu plus loin, il dit, « Si votre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens, vous ne entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ils ne sont pas encore entrés. Mais il dit, « Si vous voulez entrer, vous devez avoir une forme de justice qui est différente que celle des pharisiens. » Les pharisiens, c'est qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Ils essayaient de mettre en pratique la loi. Ils essayaient de mettre en pratique les 10 commandements de Dieu. Il dit, si c'est comme ça que vous voulez faire, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Il va offrir autre chose ici au peuple d'Israël, quelque chose de nouveau, quelque chose, une approche nouvelle, une approche pas qui était nouvelle, qui n'était pas là dans l'Ancien Testament, c'était là dans l'Ancien Testament, mais une façon que, il dit, une nouvelle façon de voir les choses. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin, vous avez entendu dire par la loi, si tu ne couches pas avec la femme du voisin, tu es correct. Jésus dit non, si tu fais juste d'y penser, tu es déjà commis l'adultère. Il a mis ça, une autre approche à la loi. Plusieurs d'entre nous pourraient dire, je n'ai jamais couché avec la femme du voisin, mais on aura peut-être la misère à penser qu'on n'a jamais pensé à quelqu'un d'autre que notre conjoint. Peut-être qu'on aura plus de misère à ce moment-là. Il dit, qui d'entre vous qui a déjà tué quelqu'un? Personne peut-être leverait, j'espère que personne ne leverait la main ici ce matin. Mais il dit, si tu as déjà eu de la haine pour quelqu'un, tu étais un meurtrier. Et là, je vous connais tous, je sais que vous n'avez tous eu de la haine contre quelqu'un. Jésus dit, tu es un meurtrier. Wow! Il va emmener le peuple d'Israël à penser autrement, à voir Dieu d'une autre façon, à penser au royaume des cieux d'une autre manière. Parce que vous savez, on a besoin, nous, de bien comprendre. Parce que le monde qu'on veut atteindre pour Jésus pense d'une autre façon. Il pense comme les pharisiens. Les gens que vous côtoyez, là, ils pensent qu'ils doivent faire de quoi pour que Dieu les accepte. Ils doivent performer pour que Dieu les accepte. Puis ils croient ça tellement fort qu'ils se comptent démontrer à eux autres mêmes, comme je l'ai fait pendant une partie de ma vie. T'es pas si pire que ça, mon Olette. T'es pas si méchant que ça. Dieu va t'accepter, t'es pas si pire que ça. Je fais pas de mal à personne, moi. Mes parents, on disait tout le temps, si t'as pas tué quelqu'un et t'as pas volé personne, t'es correct. Hein? Vous avez déjà entendu ça? T'as pas tué personne, t'es correct. On se compte démontrer parce qu'on croit que Dieu va nous accepter seulement si on est correct, seulement si on fait du bien aux gens. Seulement si on est des sœurs Teresa, des cardinals légers, des Gandhi, des Bouddhas. Là, ça, c'est nos modèles de la société. Mais c'est juste des pourris comme toutes les autres, vous savez. C'est juste des pourris, pareil comme vous et moi. Si c'est ça vos modèles, écoutez-moi bien, si c'est ça vos modèles, vous ne rentrez jamais dans le royaume des cieux. Jamais vous rentrez. Jamais vous rentrez. Notre modèle, c'est Jésus-Christ, c'est pas Gandhi, c'est pas Sœur Teresa, c'est pas Cardinal Léger, c'est pas Sainte Thérèse, puis Sainte-Ci, puis Sainte-Ça. C'est Jésus-Christ notre modèle. Puis c'est lui qui s'adresse à nous ce matin et qui dit, voici ce que moi je pense. Voici ce que moi je pense. Voici ce que je vais vous déclarer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux? Pas au ciel, là. Pas au ciel. Pas au ciel. Non, je vais le répéter. Parce que moi, je suis dans le royaume des cieux maintenant. Je n'attends pas de mourir pour entrer dans le royaume des cieux. Je suis entré dans le royaume des cieux. Déjà, il y a 30 ans. Dieu règne sur moi, donc je suis dans le royaume de Dieu. Voyez-vous? C'est ça que la Bible a dit. Je suis rentré dedans il y a 30 ans. On n'attend pas de mourir pour entrer dans le royaume des cieux. C'est trop tard à ce temps-là. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que Jésus dit. Parce que si vous le prenez de l'autre façon, vous avez le droit, je ne vous obligerai pas à penser comme moi. Là. Si vous pensez que vous devez faire ça pour que Dieu vous aime, vous accepte et que vous rentrez au ciel et que vous allez pleurer, etc., est-ce qu'on est fini chapitre 7? Vous allez pleurer et vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas capable de le faire. Je me souviens d'avoir un pasteur qui avait prêché là-dessus une fois, puis j'étais allé le voir, puis j'avais dit, « Mon cher frère, fais-tu ce que tu dis? » Il dit, « J'essaie, mais j'ai dit, je conclue que tu ne le fais pas. » Quelqu'un qui essaie, il ne le fait pas. Hein? Si je mets une corde de deux pieds, puis j'essaie de sauter dessus, c'est parce que je n'ai pas encore sauté dessus, par-dessus. J'essaie de sauter par-dessus, mais je ne suis pas capable. Donc, il ne faut pas mettre des standards aux autres qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Si vous avez des enfants, ne faites pas la gaffe que j'ai faite. Donnez-les pas des standards que vous n'êtes pas capable de faire vous-autres même. Ne demandez pas à vos enfants de faire ce que vous ne faites pas. Vous n'êtes pas capable de le faire, vous êtes bien mieux de leur dire que vous n'êtes pas capable de le faire. Parce que même qu'ils vont découvrir que vous n'êtes pas capable de le faire, ils vont avoir une drôle de surprise. Mes enfants me l'ont dit quand ils sont arrivés à 16-17 ans. Tu ne fais même pas ce que tu dis toi-même. Tu es obligé de dire, tu as bien raison. Tu as bien raison, je ne le fais pas. Excusez-moi, ça me fatigue, je m'en ferai pas le changer. Verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 5. C'est ce qu'on appelle habituellement les béatitudes. Les béatitudes. Le mot béatitude veut dire quoi en français? Est-ce que ça? Béatitude? Oui, oui. C'est un bonheur excessif. C'est un grand bonheur. C'est être heureux au superlatif. C'est ce que ça veut dire le mot béatitude. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Heureux, heureux, heureux, heureux. C'est ce qu'il dit, c'est hein, tous les versets. Heureux, heureux, heureux. Y en a-t-il qui ont d'autres traductions que le mot heureux? En anglais, ils traduisent blessed, qui veut dire béni. Béni soit celui, béni soit celui, béni soit celui. C'est là une connotation un petit peu différente dans notre tête, hein, québécois qu'on est. Le mot heureux, c'est quand je suis de bonne humeur le matin, je chante, je suis la vie est belle, tout va bien. Ça, nous, on dit ça, le mot heureux. C'est ça qu'on pense quand on parle du mot heureux. Mais ici, en anglais, quand je dis béni soit celui, ça change un petit peu la connotation. Ça change un petit peu la connotation. Il y en a des bibles en français qui vont traduire bienheureux. Bienheureux. Ça veut dire, c'est le même mot que le mot béatitude, un bonheur céleste. En français, c'est marqué qui jouit de la béatitude céleste, qui a été béatifié. Dans la langue québécoise, française, un bienheureux, c'est un saint. Quelqu'un qui est dans le ciel déjà. C'est ce qu'on va dire, la bienheureuse Vierge Marie. Bienheureuse, c'est celle qui est au ciel déjà. Dans la langue originale, dans le grec, c'est le mot makarios qui est là, qui parle du bonheur des dieux. Le bonheur des dieux. Un bonheur qui ne vient pas de ce monde, mais qui vient d'un autre monde. Un bonheur, c'est ce que Jésus est en train de dire ici, je t'offre un bonheur dont les choses de la terre n'ont rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec ton argent, avec ta maison, avec tes enfants, avec ta femme. Ça n'a rien à voir avec ta santé. Ça n'a rien à voir avec le régime politique dans lequel tu vis. Ça n'a rien à voir avec ça. Je t'offre un bonheur. Et dans le royaume des cieux, le bonheur vient de autre chose que ces choses-là. Et vous êtes comme moi, on dépend tellement de ces choses-là pour être heureux. On dépend tellement de ces choses-là pour être heureux. Et quand on n'en a pas, ou qu'on ait peur, ou qu'on en manque, on devient déprimé, découragé, on se met à pleurer, on fait des dépressions, on se lamente, on critique, on fiole, parce qu'on perd notre source de bonheur tout d'un coup. Jésus dit, dans le royaume des cieux, c'est pas de ça que je vous parle. Il n'est pas contre ces choses-là. Il ne nous dit pas de tout devenir des moines qui s'enferment dans une cellule de pierre pour se coucher des clous. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais il dit, moi, je vous dis que le bonheur dans le royaume des cieux, c'est pas ces choses-là. Il parle d'une autre sorte de bonheur. Un bonheur céleste. Un bonheur du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Moi, j'ai été élevé dans une autre religion. Et le bonheur céleste, c'était... je pouvais avoir de Dieu tout ce que je voulais. Je n'ai jamais joué à ça. Aujourd'hui, ça ne joue plus sur Nintendo. Moi, dans mon temps, quand on était jeune, là, on s'assisait sur la galerie, 10, 12, là, jeunes, des jeunes de 7, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Puis là, on disait, qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'on arrive au ciel? Là, on en disait-tu des affaires? Moi, je vais lui demander ça. Moi, je vais lui dire ça. Moi, je vais vouloir faire ça. Moi, je vais vouloir patiner comme Marie Strichard. On avait toute sorte de notre idée, c'était quoi le ciel? Complètement faux, là, mais c'était ça qu'on pensait. Parce qu'on avait été élevé, que le ciel, c'était une place que tu avais tout ce que tu voulais. Mais c'est pas vrai. C'est pas de même que ça marche. Première chose qu'il dit au verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus dit, le royaume des cieux va appartenir à ceux qui sont pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand, dans ma jeunesse, on disait, heureux les creux, car ils verront Dieu. Vous avez entendu ça, les plus vieux? Hein? Heureux les creux! Si t'es un niaiseux, si t'es pas intelligent, si tu connais rien, si t'as jamais été à l'école, t'es un creux, t'es un simple, t'es un bonasse, toi t'es chanceux, tu vas aller au ciel. Tous les handicapés intellectuels s'en allaient au ciel. Là, si t'avais un quotient, le moindrement, qui avait de la valeur, tu disais, ben je suis foutu. Je pourrais pas aller au ciel, je suis pas creux. Mais c'est pas ça que ça dit, hein? Un pauvre, c'est quoi les... Mettons, vous allez sur la rue, qui est-ce que vous déclareriez pauvre? Quand vous êtes sur la rue, vous promenez, vous rencontrez, vous allez, à qui est-ce que vous allez dire, ou vous allez vous dire à vous-même, « Oh, ça, c'est un pauvre. » Qu'est-ce que vous voyez quand vous dites ça? En général. Son habillement est délabré, sale, brisé, déchiré, d'autres choses? Les cheveux. Moi, quand j'étais à Toronto, ce qui devrait être plus dur, c'est quand je me promenais sur la jambe, il y avait des grilles de métal dans le trottoir. Il sortait de la chaleur, là, c'était les bouches du métro. Les gens étaient couchés dessus le matin quand on se levait pour aller se promener sur la rue. Les gens étaient couchés dessus, les pauvres étaient là. Et je me disais, waouh, ça, c'est être pauvre. Un pauvre, c'est ça. Un pauvre, ça manque. Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas. Où on voyait des gens qui avaient une petite tasse. Ding, ling, ling, ling. Gling, ling, ling. Faisait sonner les huitaines dans le fond. Un pauvre. Un pauvre, ça n'a rien. Et ça quoi? Ça fait quoi? Ça demande. Ça demande. Un pauvre, ça a toujours la main tendue. Ça demande. Ils vont le marquer si vous le font. Ils ne vous regardent jamais dans la face avec arrogance, ça, comme ça. Hein? Un pauvre, ça a la honte. Ça a la honte, un pauvre. C'est assez rare qu'ils sont fiers d'être pauvres, en généralement. C'est assez rare. Ici, il dit, heureux les pauvres, ceux qui n'ont rien, ceux qui sont... Il y a une traduction qui a traduit, heureux les mendiants, heureux les quêteux, mais les quêteux spirituels, en esprit. C'est des gens quêteux. C'est des gens qui savent ou qui se savent pauvres, qui n'ont rien à donner, mais qui vont tendre les mains vers Dieu afin que Dieu leur donne quelque chose. Ils sont pauvres spirituellement. C'est pour ça que Jésus a dit, les putains et les voleurs et les prostituées vont vous devancer dans le royaume des cieux. Ils n'ont rien à m'offrir, mais ils vont me demander quelque chose. C'est pour ça que Jésus a dit ça. Les pauvres vont rentrer au ciel bien avant les riches parce que les riches ne veulent rien savoir et les autres, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Les riches spirituels, je parle ici. Là. Mais il dit les pauvres ou les mendiants spirituels, ceux qui sont des quêteux spirituels, ils ont honte de leur état spirituel et ils vont demander à Dieu, ils vont implorer Dieu de leur donner quelque chose. C'est des mendiants spirituels. Il dit dans le royaume des cieux, ceux qui vont posséder, parce qu'il dit, ces gens-là vont posséder le royaume des cieux. C'est des gens, c'est des mendiants. Ils n'ont rien à m'offrir, absolument rien à me donner. Ah, on n'aime pas ça être pauvre, on aime mieux être riche. La preuve, c'est quoi? Vous remarquerez, tous les gens qui pratiquent une religion quelconque, ils se pensent riches spirituellement. Puis ils offrent à Dieu des choses. Ils vont offrir à Dieu des choses. Pour que Dieu les accepte. Ils ne sont pas pauvres. Ils ne se voient pas mendiants parce qu'ils disent, je vais offrir à Dieu quelque chose pour qu'il m'accepte. Il y en a que c'est dans toutes les sortes de religions, c'est différent. Sorte de choses qu'il donne. Mais Dieu dit, Jésus dit, dans le royaume des cieux, c'est juste les mendiants qui vont posséder le royaume des cieux. Juste les mendiants. En esprit, les mendiants spirituels. Et je vais vous donner une surprise. Et quand on est rentré dedans, on est aussi pauvre que quand on est rentré. Si vous êtes dedans aujourd'hui, vous n'avez rien à offrir à Dieu plus que vous aviez avant d'entrer. Tout ce que vous avez dans vos mains, c'est ce qu'il vous a donné. Vous n'avez rien à offrir à Dieu aujourd'hui encore. Absolument rien. Même si vous êtes un chrétien. Vous n'avez rien à donner. Vous n'avez rien à... Dis, Seigneur, je t'offre ça. Non, non. Non, non. Tu n'as rien à me donner. Ce que tu as dans les mains, c'est moi qui l'ai mis là. C'est des mendiants spirituels. Il disait au peuple, si vous êtes des mendiants spirituels, vous allez posséder le royaume des cieux. Vous allez faire partie du peuple de Dieu. Faire partie du peuple de Dieu. Deuxième chose, verset 4. Les affligés maintenant. Heureux les affligés. Qui a une autre traduction que ça? Moi, j'ai ceux qui pleurent. Moi, affligé, ça veut dire ça, pleurer. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La grande question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce qui les fait pleurer? Les femmes sont mortes? Ils ont perdu leur job? Ils ont perdu les élections? Qu'est-ce qui les fait pleurer? Ils payent de l'impôt? Qu'est-ce qui les fait pleurer? L'hiver est trop long? Qu'est-ce qui les fait pleurer, ces gens-là? Ils disent heureux ceux qui pleurent. Mon ami, qu'on n'aime pas pleurer. N'aime pas pleurer. Mais ici, il dit heureux, le bonheur, le royaume, le bonheur du royaume des cieux est pour ceux qui pleurent. Parce que je vais les consoler. Ils pleurent sur quoi? Qu'est-ce qui les fait pleurer? Ils se regardent dans le miroir. Puis ils pleurent. Ils se regardent dans le miroir, puis ils pleurent. Il dit, tu pleures de ton état spirituel, tu pleures à te regarder comment tu es en tant qu'être humain, rebelle, pécheur, ennemi de Dieu, tu pleures, tu te regardes, tu dis, je suis abominable, je suis devant les yeux de Dieu, je suis quelqu'un de perverti, comme il dit en Romains 3. Je pleure sur mon état spirituel. Dieu dit, pleure, mon François, je vais te consoler. Mais si tu pleures pas, il dit dans Luc 8, dans Luc 6, dans le même passage, il dit, il dit, malheur à ceux qui rient maintenant. Malheur à ceux qui maintenant ils rient. Ils vont pleurer plus tard. Mais ceux qui pleurent maintenant sur leur état spirituel, je vais les consoler. Je vais leur donner. Parce qu'ils nous consolent, ça veut dire quoi? On va être heureux, là. Parce que là, quand tu consoles quelqu'un, l'enfant devient de bonne humeur. Écoute, tu l'as consolé. C'est tellement contradictoire à ce que la société veut faire. On veut nous vendre du bonheur cheap. On veut nous donner des façons de faire les choses. On veut nous remonter une morale en nous disant que t'es bon, t'es correct, que c'est la société qui n'est pas correcte. T'es correct, que c'est tes parents qui ne sont pas corrects. T'es correct, toi, là. C'est tes parents qui ne sont pas corrects. C'est ta grand-mère qui n'est pas correcte. C'est tes ancêtres qui n'étaient pas corrects. C'est pas de ta faute, c'est le gouvernement qui est pourri. On blâme tout le monde alentour. On veut nous remonter une morale, mais ça ne marche pas comme ça. Jésus dit pleurer. Pleurer. Ceux qui pleurent sur eux-mêmes, sur leur état, je vais les consoler. Je vais les consoler. C'est pour ça que quand vous lisez l'Apocalypse, quand les gens arrivent dans le ciel, si on peut appeler ça comme ça, dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, là, il dit quoi? Il n'a plus de pleurs. C'est terminé les pleurs, madame. C'est terminé les pleurs. Les enfants de Dieu, ceux qui vivent dans le royaume des cieux, c'est des gens qui pleurent sur leur état spirituel. En tant que chrétien, on est pardonné, on est gracié. Mais quand vous regardez à votre vie de tous les jours, est-ce que ça vous fait rire ou ça vous fait pleurer? Est-ce que vous vous arrêtez ce soir? Quand vous arrêtez, vous pensez à la journée que vous avez faite. Est-ce que vous vous réjouissez? Oh, j'ai fait une super belle journée de vie chrétienne. Je suis bien bon. Un bon chrétien. Bon, non, si vous êtes, j'ai encore péché contre Dieu, je suis triste de l'état dans lequel je suis. Il y a une chance que Dieu m'a pardonné. Je rends gloire à Dieu qui m'a purifié par le sang de Jésus-Christ. Parce que la journée que j'ai faite aujourd'hui, c'était encore désastreux. C'était encore désastreux. D'une façon quelconque, ici, Jésus tentait de dire, l'être humain pécheur devrait pleurer sur son état d'âme. Parce que c'est un être qui est comme ça. Mais il y a du bonheur. Parce qu'il dit, je vais te consoler. Je vais te consoler. Ensuite, il dit, heureux, au verset 5, les humbles de cœur. N'as-tu dans la Bible de débonnaire? Heureux les débonnaires. Oui, c'est ça, le mot débonnaire qui est là, dans la vieille seconde, c'est le mot débonnaire. Qu'est-ce que le mot débonnaire veut dire? Je vous encourage, quand vous lisez vos Bibles, d'avoir un dictionnaire en français à côté de vous autres. Mais des fois, on lit le mot, on lit ça pendant des années, on ne sait même pas ce que ça veut dire en français, puis on lit. On s'arrête et on dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot débonnaire? Ici, nous l'ont traduit « les humbles de cœur ». N'as-tu dans le mot « doux » Heureux les doux. Il dit « heureux les humbles de cœur ». Le mot veut dire, traduit dans la seconde, « débonnaire, plein de douceur, doux ». C'est ça le mot « débonnaire ». De doux, ok. C'est le même mot. Dans la langue originale, dans le grec, le mot « doux », là, c'est pas « limou ». C'est pas ça que ça veut dire. Il y en a qui ont déjà traduit ça. « Heureux ceux qui sont mous ». Tu sais, les mous, là, tu sais, qui se laissent faire, là. Lui, c'était un mou, il se laisse... C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas des gars qui n'ont pas de caractère ou des filles qui n'ont pas de caractère. Tu vas avoir bien du caractère puis être un doux. Dans la langue originale, le mot, on le retrouve pour un cheval qui est facile à conduire. Et c'est sûr qu'on fait du cheval, c'est pas mal, du western un peu. Quand on allait dans des shows de western, j'ai déjà été là-dessus, j'ai peut-être de la misère à m'imaginer dans le western, mais j'étais comme ça. On prenait nos guides, là, puis le cheval était bien conduit si on le conduisait avec deux doigts. Puis on faisait ça même avec nos guides. En accotant la guide sur le côté du cou du cheval, le cheval. C'était pas vous, là, c'était pas un cheval doux, c'était un cheval avec la gueule dure, qu'on disait. Ou des fois, on utilisait le mot doux ou débonnaire pour un bateau. Un bateau qui était facile à conduire avec le gouvernail. C'est un bateau facile à conduire. On appelait ça un bateau qui était doux. Ou un être humain qui était doux, c'est quelqu'un qui se laisse conduire. Qui veulent que Dieu les conduise. C'est quelqu'un qui veut se faire conduire. Les débonnaires, dans le nom de Dieu, c'est des gens qui veulent être conduits. Ce matin, on a vu, vous savez, qu'on a lu dans Isaïe, « Pourquoi vous avez été chercher de l'aide en Égypte? Pourquoi vous n'êtes pas venu à moi pour que je vous dise quoi faire? » Ceux qui vont faire partie du royaume des cieux, c'est des gens qui veulent être conduits. Des gens qui veulent être dirigés et qui se laissent diriger par Dieu. Qui se laissent conduire par Dieu. Faites attention quand vous dites « la vie chrétienne, c'est pas facile. » Peut-être que vous êtes en train de me dire que vous avez la gueule dure. La vie chrétienne, c'est pas supposé être dur. C'est dur quand on refuse de virer, quand Dieu veut que ça vire. Mais si Dieu tire sur le guide et dit « tourne mon François, tourne », je tourne bien facilement, c'est pas dur la vie chrétienne. C'est quand je m'objecte, je dis « non Seigneur, je ne vais pas aller dans cette direction-là, je vais aller dans l'autre direction. » Là, ça devient dur la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça n'a jamais été planifié pour être dur. C'est planifié pour être facile, si je me laisse conduire, bien entendu. Mais Jésus dit, dans le royaume des cieux, c'est des gens doux qui sont là. Des gens doux. Ils se laissent conduire par Dieu. Ils se laissent conduire par Dieu. Ensuite, il dit quoi au verset 6? Heureux les affamés, les assoiffés de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Vous avez tendance à penser, comme moi, des fois on a tendance à penser qu'ils ont soif et faim que le gouvernement soit juste avec eux, ou que la police soit juste avec eux, ou que leur femme soit juste avec eux, ou leur mari, ou leurs parents soient juste. C'est pas ça que ça parle ici. Hein. Ici, il parle d'hommes et de femmes qui ont faim et soif que la justice règne, que la justice de Dieu règne, et qu'eux autres même soient justes. Je me souviens toujours d'un vieux pasteur avec lequel j'avais prié quand j'étais jeune chrétien. Je m'en souviens encore, ça fait presque 30 ans. Il avait dit, dans sa prière, il avait dit, « Je suis tellement tanné de pécher contre toi. J'ai hâte du jour où est-ce que je ne pécherai plus contre toi. » Il avait faim et soif de justice. Pas la justice du gouvernement pour lui, que lui va être juste dans sa façon de faire. Que lui va être juste dans sa façon de gérer ce qui se passe autour de lui et dans sa relation avec Dieu. Il désire être juste. Il va voir l'injustice dans sa vie et non pas dans la vie des autres. Vous êtes-vous comme moi? On a tendance à voir l'injustice dans la vie des autres avant de la voir dans la nôtre. Jésus dit dans le nom des cieux, les gens ont faim et soif de justice. Et si vous lisez l'Apocalypse, dans le royaume de Dieu, quand Jésus va revenir, qu'il va établir le royaume des cieux sur la terre, ça va être la justice qui va régner pour toujours. On a faim et soif de justice. verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est quoi ça, un miséricordieux? Comment vous voyez ça, vous autres, un miséricordieux? Il dit heureux, ceux qui sont miséricordieux, parce qu'ils vont obtenir miséricorde. Quelqu'un qui pardonne? Ça peut être, oui. OK. Donc, la miséricorde, c'est souvent que tu ne reçois pas ce que tu mérites. Ça veut dire que tu mérites d'être puni, mais on ne te punit pas. C'est la miséricorde de Dieu. Dieu, pardon, s'il t'a pardonné, il ne te donne pas ce que tu mérites, parce que tu mériterais la condamnation, donc je te pardonne. Ça se rejoint ensemble. Il dit, heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui pardonnent. Il va le répéter un peu plus loin dans Matthieu 6. Il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. Avez-vous déjà eu peur de ce verset-là? Amen. Avez-vous de la misère à pardonner? Hein? Avez-vous de la misère? Moi, je vous dis, vous êtes incapable. Si vous réussissez, c'est par la grâce de Dieu. L'être humain n'est pas capable de pardonner. Il se venge. C'est mes droits. J'ai des droits, moi. Tu m'as enfreint mes droits, tu vas payer pour. On ne pardonne pas. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de demander justice. Mais appelez pas ça du pardon. Le pardon, c'est pas ça. Le pardon, c'est que tu mérites que je te traîne en cours, mais je ne le ferai pas. Ça, c'est ça du pardon. Ça, c'est ça de la miséricorde. Il dit, heureux ceux qui sont miséricordieux envers les autres, parce qu'ils vont obtenir miséricorde. Savez-vous qu'est-ce qui va nous aider, qu'est-ce qui va m'aider, qu'est-ce qui va vous aider à être miséricordieux? C'est de comprendre qu'on a besoin que les gens nous pardonnent. Plus vous allez réaliser que vous avez besoin d'être pardonné par les gens autour de vous, plus ça va vous aider à pardonner aux autres. Mais on a l'impression que c'est toujours la faute de l'autre. Moi, je parle avec des gens, hein? Je parle avec des couples. C'est toujours la faute de l'autre conjoint quelque part. Toujours. Toujours. C'est pas la faute d'eux autres. Ils viennent me parler de leur conjoint. J'ai assez hâte que quelqu'un vienne et me parle de lui. J'ai des problèmes dans mon couple, c'est de ma faute. Bien sûr, j'aimerais ça. C'est toujours la faute de l'autre. Toujours. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas la faute de l'autre. Il y a en fait des fautes, mais elle avoir une meilleure capacité à accepter les fautes de l'autre, quand vous allez comprendre que vous avez commis autant des fautes que lui en a commis. Vous en avez commis autant que lui. Et quand on réalise ça, ça nous aide à être plus patient, ça nous aide à être plus compréhensif, parce que, bon, il y avait un bonhomme qui avait dit, coupe jamais le pont sur lequel tu as besoin de passer, mon chum. Si tu coupes le pont de la miséricorde, tu ne peux plus passer toi-même, tu en as besoin. Il dit, si les gens qui vont être miséricordieux, ils vont obtenir la miséricorde. Ils vont tenir. Ils savent qu'ils vont pouvoir pardonner aux gens parce qu'ils ont besoin d'être pardonnés aussi. Attention, là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont capables, mais ils savent que les gens ont besoin d'être pardonnés, puis ils savent que les autres ont besoin d'être pardonnés. Ils disent, ceux qui savent qu'ils ont besoin d'être pardonnés vont être miséricordieux, et moi, je vais leur faire miséricorde. Verset 8. Heureux les cœurs purs. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc, si je fais une conclusion assez rapide, si tu n'as pas le cœur pur, tu ne peux pas voir Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Je fais-tu une bonne conclusion, là? Il dit, les cœurs purs vont voir Dieu. Donc, les cœurs qui ne sont pas purs ne verront pas Dieu. Il me semble que c'est logique. Il dit le mot « pur » ici. Maintenant, ça veut dire quoi, le mot « pur » ici? C'est-tu les gens qui sont sans péché, qui ont un cœur qui n'a pas de péché dedans, pas en tout, du tout, du tout, du tout? Pur. Pas à moitié pur. Pas un peu pur. Mais pur. Donc, si mon cœur est pur, je peux voir Dieu. Ce n'est qu'en Isaïe, dans l'Ancien Testament, Dieu lui apparaît sous une forme quelconque dans le temple. Qu'est-ce qu'il dit? Malheur, malheur à moi, je suis impur. Il se cache, il se cache, il se cache. Ça, c'est l'attitude d'un vrai être humain. Moi, j'aimerais ça être capable de toujours faire ça. Dieu vient et il se cache et dit, je suis un homme impur, je suis un homme impur, je suis un homme impur. Et Dieu, il arrive, puis il prend une petite pincette avec un petit tison sur l'autel, puis il lave la bouche, puis il dit, « Ah, t'es pur maintenant, mon chum! Une chance que tu as dit que t'étais un pur, j'ai pu te purifier! » Mais si Isaïe avait dit, « Je suis pur, moi, je suis un bon gars! » Il aurait resté sale toute sa vie. Dieu ne l'aurait pas purifié. C'est pour ça que Jésus va dire pendant qu'il est sur la terre, « Si vous diriez que vous êtes malade, je pourrais vous guérir. Mais vous dites que vous n'êtes pas malade, donc je ne vous guérirai pas. Si vous disiez que vous étiez aveugle, je pourrais vous guérir, mais vous dites que vous voyez, donc je ne pourrais rien faire pour vous autres. » Mais il dit les corps purs ici. On peut traduire de deux façons. Un, que c'est des gens qui ont un corps qui n'est pas sale. Deux, c'est le mot, certains ont traduit « entier ». Ils sont complètement à Dieu. Ce n'est pas des corps doubles. J'aime mieux la traduction « double ». Ils n'ont pas deux dieux. C'est ça qu'il va dire dans Matthieu 6, un peu plus loin. « Vous ne pouvez pas avoir deux dieux, Mammon et Dieu, choisissez. Hein, » il va dire ça dans Matthieu 6. « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Prenez-en un ou l'autre. » Un corps pur, c'est ce que ça veut dire. Tu vas avoir juste un dieu dans ta vie, pas deux. Ça peut être ça dans ce sens-là que le mot « pur » veut dire ici. Ou si on le prend dans le sens « pur », ça me prend un cœur qui est sans péché pour voir Dieu. C'est vous ce qui est intéressant dans ce verset-là? C'est que la personne qui vit ça, elle désire voir Dieu, mais elle sait qu'elle ne peut pas le voir. Parce que son cœur n'est pas pur encore. Elle veut voir Dieu, cette personne-là, mais elle ne peut pas parce que son cœur n'est pas pur. Il faut que son cœur soit purifié. Elle le sait. Mais Jésus dit, heureux es-tu si ton cœur est pur parce que tu vas pouvoir voir Dieu. Donc, tu as deux choix en tant qu'être humain. Tu dis, mon cœur est pur puis je peux voir Dieu, ou tu dis, mon cœur n'est pas pur, je ne peux pas voir Dieu. Tu fasses un choix. Mais il dit bien que ceux qui vont pouvoir voir Dieu, c'est seulement ceux que le cœur est pur. Ceux qui ne sont pas purs, peu importe le sens qu'on lui donne, ne pourront pas voir Dieu. Ils ne peuvent pas voir Dieu. C'est pour ça que je ne crois pas personnellement que les gens qui sont dans le monde, qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas été purifiés, ne peuvent pas s'adresser à Dieu, ne peuvent pas voir Dieu, ne peuvent pas parler avec Dieu, ne peuvent pas rencontrer Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait une belle illustration de ça. C'était quoi? C'était le temple. Dieu était dans le Saint des Saints et personne n'avait le droit d'entrer là. C'est une belle image. Vous ne pouvez pas rentrer. Dieu dit, vous êtes un peu, vous ne pouvez pas rentrer ici. Moi, je suis peu, vous ne pouvez pas rentrer. C'est pour ça que quelqu'un dit à Adam et Ève, après avoir commis un péché, un qu'un, que nous, on trouverait banal, manger une pomme ou un fruit quelconque, ils ont mangé une petite patente, et Dieu dit, c'est fini. Hors du paradis, t'es en dehors maintenant. Tu ne peux plus être dans le paradis parce que maintenant tu es plus pur. Et dans mon paradis, il faut être pur. C'est ça que ça veut dire. Il y a des belles exemples dans la Bible de ce que Dieu dit. Il dit, si ton corps n'est pas pur, tu ne peux pas rentrer ici. Tu ne peux pas rester avec moi. Au verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix. Ils procurent la paix, ces gens-là. Moi, je suis plus dur avec la procurer la chicane ou la querelle ou des divisions. Je suis plus porté à faire des frictions. Pas facile pour nous faire la paix. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici, encore une fois? Heureux ceux qui procurent la paix aux gens. Avez-vous déjà fait de la chicane? Ah oui, je sais, vous l'avez déjà fait. On a tout fait. J'avais mes petits-enfants chez moi en fin de semaine. Mon ami, tout d'un coup, ça se mettait à crier. Ça chicanait pour une poupée. Ça chicanait pour un bout de bonbon. La paix n'était plus là. Pour une petite niaiserie là, qu'on appelle nous autres les adultes, une petite niaiserie. La chicane, puis ça se poussait, puis tout se bouge. Ça chicane, c'est ça, l'être humain. En vieillissant, on est plus subtil un petit peu. Hein, on fait ça. Mais on cause encore des divisions, des chicanes et des querelles. On sait ça. On sait qu'on le fait. Mais ceux qui procurent la paix, comment est-ce que je peux procurer la paix maintenant aux gens? Si je te dirais, va dans mon tremblant aujourd'hui, puis va procurer la paix aux gens, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que Jésus veut qu'on fasse? Parce qu'il parle de ça. C'est heureux ceux qui procurent la paix. Tu ne peux pas la procurer à qui que ce soit si tu ne l'as pas toi, premièrement. N'est-ce pas? Si tu ne l'as pas. Tu ne peux pas la donner aux autres si tu ne l'as pas. De quelle paix il parle ici? Il parle de la paix spirituelle. Parce que ce contexte est spirituel. C'est un royaume des cieux qui parle. Ce n'est pas un royaume terrestre qui parle. C'est un royaume spirituel. La paix, premièrement, avec Dieu. La paix. Il me semble que ceux qui vivent dans un climat de guerre, la chose qu'ils désirent le plus, ce n'est pas une TV en couleur. C'est quoi? C'est la paix. La Bible nous dit que le ciel est en guerre avec la terre à cause du péché. Puis ici, il dit, la personne veut la paix avec Dieu et veut procurer la paix avec Dieu aussi. La seule façon que vous pouvez procurer la paix à quelqu'un, c'est lui prêcher l'Évangile. Il n'y avait pas d'autre choix. C'est pour ça que les anges ont chanté quand ils sont venus à Noël, heureux, paix aux hommes sur la terre, aux hommes de bonne volonté. Paix aux hommes sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. Ou paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Voilà, je l'ai. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Dieu offre la paix aux hommes, une paix qui ne vient pas de ce monde. Jésus va dire quoi dans Jean 17, un peu plus loin? Je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Je vous donne une autre sorte de paix. C'est celle-là qu'il parle ici. Hein. Il ne parle pas d'une absence de chicane dans notre famille, dans nos vies de conjoints. Dans la société, ça n'arrivera pas, ça. Asseyez-vous, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va faire juste plus de chicane. Mais il parle de la paix avec Dieu, premièrement. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils vont t'appeler fils de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut faire la paix? Dieu dit, je vais faire la paix avec toi, François. Tu es en chicane avec moi, tu es en guerre avec moi, tu es mon ennemi. Je veux faire la paix avec toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'annonce l'Évangile pour que j'aille la paix. Si nous autres, on veut procurer la paix, il faut faire la même chose, il faut annoncer l'Évangile. On va arrêter là parce qu'il est déjà 11 heures. On continuera la semaine prochaine. Comment vous sentez? Comment vous percevez ce que Jésus a dit jusqu'ici? Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui sont des bonheurs, heureux ceux qui procurent la paix, qui sont miséricordieux. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes capable de faire ça? Est-ce que vous prenez la résolution, je m'en vais chez nous aujourd'hui et puis je vais mettre ça en pratique? Si c'est ça, vous allez revenir la semaine prochaine, vous allez être découragé. Jésus ici ne veut pas. Il ne dit pas ça pour qu'on puisse faire ça. Il va dire ça pour qu'à la fin, vous allez voir quand on va arriver au chapitre 7. Mais quand on arrive à la chapitre 7, à la fin du sermon sur la montagne, il va dire ceci. Je vais le répéter à chaque fois que je vais finir le sermon jusqu'au fin du chapitre 7. Demandez ce que vous voulez et je vous le donnerai. Mais demande ce que j'ai dit. Viens pas me demander ta Cadillac, je ne te le donnerai pas. Viens pas me demander ta santé, je ne te le donnerai pas. Viens pas me demander un billet de loto, je ne te le donnerai pas. Demande-moi ce que je... T'as faim de justice? Mande-moi là, je vais te la donner. T'as faim de paix? Mande-moi là, je vais te la donner. T'as faim? Tu veux être miséricordieux? Mande-moi là, je vais te le donner. Demande-moi ce que tu veux que je viens te le dire et je vais te le donner. C'est ce que tu es en train de dire. Je prêche quelque chose que vous êtes incapable de faire. Je sais que vous n'êtes pas capable, mais demandez-moi là et je vais vous le donner. C'est donc beau, j'aime ça, c'est le dernier verset-là du chapitre 16, je l'aime en planche. Parce que si vous lisez les trois chapitres, vous essayez de mettre ça en pratique, si vous venez découragé. On se décourage, vous dites, j'y arrive pas, mon ami. Mais il dit, demande-moi là, François, je vais te le donner. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on s'aperçoit très bien en lisant ces quelques versets que tu n'es pas en train de partir dans le royaume terrestre. Parce que ces choses-là n'existent pas sur la terre. Tu parles du royaume des cieux que tu vas établir par ta mort, que tu vas établir par ta résurrection. Et Seigneur, c'est un beau passage qui nous aide à réaliser que l'être humain est incapable de plaire à Dieu par ses propres efforts. Seigneur, nous voulons vivre ainsi dans le royaume des cieux. mais tu es prêt à le donner à quiconque. Avoue, reconnais qu'il ne l'a pas. C'est afin que ce sermon sur la montagne devienne notre sermon. Ça devienne notre façon de vivre. Ça devienne notre attitude face à toi. Aide-nous à avoir un cœur et un esprit humble afin que tu puisses bénir nos vies. Car la Bible nous dit que tu résistes aux orgueilleux. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. OK, on va arrêter là sur les biens. C'est la fin, déjà 11h05. Que le Seigneur vous bénisse.